Activité 6, page 21. Piste 14. A. Il vient à la cantine avec moi. Ils viennent à la cantine avec moi. B. C'est un plat vietnamien. C'est une salade vietnamienne.